Thank you. ショートパス。We'll be right back. Ok. C'est quoi ce son? Testu. Testu, il faut que tu relances ton truc, je crois qu'il y a un truc. On va essayer ton son, Testu. Ça fait un son bizarre chez moi. On va refaire. Tu dois avoir un problème de latence de. Relance ton pilote Azure, je crois. Tu vas sur ta carte son et tu remets un petit coup de reset. Bon allez, on est là, on y retourne. D'aller dans ton pilote Azure et tu fais un petit coup de reset. Song by Peter. Thank you. Thank you. Mm-hmm.